Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Une prospérité factice, précaire, une sorte de gigantesque Monte-Carlo, un miracle de l'ordre britannique, une immense ville bâtie sur un rocher, semblant édifiée là pour défier le temps, où vivent des Chinois, évidemment, des Hindous, des Indonésiens, des Malabars, des Persans, des Portugais, quelques rares Français et bien sûr des Anglais. La guerre civile fait rage en Chine, l'Asie retourne à l'Asie, et Samy Simon, dans l'émission « Ainsi va le monde », relate son voyage à Hong Kong et à Shanghai le 14 décembre 1948 sur la chaîne parisienne. La Chine, telle que je l'ai vue, c'est sans doute un titre un peu présomptueux, car il s'agit d'un continent peuplé de 500 millions d'individus, disent les statistiques, à 50 millions près, bien entendu, et où rien ne ressemble à ce qu'on croit, et où ce que l'on croit voir n'est le plus souvent que l'apparence trompeuse de ce qui est. Un exemple. Nous vivons en France sur un système métrique et des mesures solidement établies à caractère fixe. Nous savons qu'un mètre est la millionième partie du méridien terrestre, qu'un kilo pèse 1000 grammes. Eh bien, en Chine, l'unité de mesure est variable. Et si Paris était en Chine et que vous demandiez à un passant la distance qu'il y a par exemple de la Madeleine au Sacré-Cœur, il vous répondrait, mettons, 15 lits, le lit correspondant vaguement à 400 mètres. Mais dans l'autre sens, la distance ne serait plus que 10 lits à cause de la pente, car le lit est à la fois une mesure d'espace et de temps. C'est le temps que l'on met à parcourir un espace donné, si bien que la Tour Eiffel, par exemple, la Tour Eiffel en Chine serait plus de 200 fois plus haute des pieds à la tête que de la tête aux pieds. Un autre exemple. En Occident, les villes ont été bâties, vous le savez, dans les campagnes, dans une vallée, au bord d'un fleuve ou d'une route naturelle, etc., etc. Et c'est la campagne qui nourrit la ville. Eh bien, en Chine, c'est le contraire. On a construit une grande ville et la campagne est venue s'installer tout autour. Ça vous paraît peut-être incompréhensible et pourtant, c'est très simple. C'est très simple, il n'y a pas d'engrais naturels en Chine. Mais quand dans une ville, il y a 2 ou 3 ou 6 millions d'habitants, eh bien, ils s'en fabriquent tous les jours et à bon marché. Aussi recueille-t-on ce précieux engrais qui sert à fertiliser tous les environs immédiats, qui se transforme alors au bout de quelques années en magnifique jardin potager. Et ainsi de suite. C'est à Hong Kong que je commençais à me faire une vague idée de la Chine. À vrai dire, je connaissais déjà une ville chinoise grâce à Cholen, près de Saigon, que j'avais parcouru en tous sens des journées entières. Mais Hong Kong, c'est très différent. C'est une sorte de monstre, mais de monstre bien léché, le produit de l'accouplement de deux civilisations où se sont rencontrés deux ferments extraordinaires, aussi puissants l'un que l'autre, le génie commercial britannique et le génie commercial chinois. Cette ville étonnante, véritable Gibraltar économique et dernier bastion de la puissance britannique en Extrême-Orient, apparaît aux voyageurs, surtout s'il arrive de France, comme un extraordinaire Eldorado. Tout y donne l'impression de luxe, de prospérité, les maisons de pur style victorien, aux façades bien lavées, les rues arcades où s'ouvrent des magasins richement achalandés, des policemen impeccables dans leur tenue blanche et leurs gants à crispins du haut de leur mirador, et surtout l'animation extraordinaire qui règne aux abords du port, où une armée de petites fourmis, ou plutôt de champignons, habillées par Walt Disney, s'occupe jour et nuit à charger et à décharger pêle-mêle les balles de coton, de thé, de caoutchouc, l'argenterie de New Bond Street, les frigidaires et les Studebakers de Detroit ou de Chicago. Tout cela dans un vacarme assourdissant, un intense bariolage de couleurs qu'on retrouve jusque sur l'eau, sillonnée sans arrêt par les centaines de voiles triangulaires des jonques aux couleurs de l'arc-en-ciel et qui se fraient leur chemin entre les cargos venus de tous les points du monde et aussi les bâtiments de la Royal Navy. Car depuis près d'un siècle, Hong Kong était le quartier général de la flotte britannique dans le Pacifique. Je dis « était » volontairement, car précisément lorsque j'y arrivais, et pour la première fois dans son histoire, Hong Kong allait perdre ce privilège au profit de Singapour, et déjà l'escadre mouillée dans le port, vaisseau amiral, croiseur, navire d'escorte, sous-marin, s'apprêtait à appareiller. Et les rues de Hong Kong retentissaient joyeusement des accents des fifres, des sons aigus des bagpipes et du grondement des tambours. C'était le régiment irlandais des Enniskilling qui défilait dans une dernière parade avec leurs costumes à brandebourg, leurs shakos à plumet et à jugulaire, un immense tambour-major en tête pour saluer le départ des vaisseaux de l'amiral Boyd. Signe des temps, départ symbolique et plein d'une signification redoutable. Car Singapour, autre vieille forteresse, réputée longtemps imprenable et que les Japonais avaient pourtant cueillie comme un fruit mûr sans tirer un coup de fusil, Singapour et la Malaisie, comme ailleurs, l'Indonésie, la Birmanie ou le Siam, étaient le théâtre de troubles avec chaque jour son petit contingent d'assassinats, d'incendies, de sabotages, d'attaques à la grenade, etc., etc. À Hong Kong, cependant, nulle trace apparente de désordre. Bâtie sur le rocher, cette ville a l'air d'être édifiée pour des siècles et de défier le temps, comme ces orgueilleux gratte-ciels face au port, bâtis en magnifiques pierres de taille, et qui sont autant de banques, de compagnies de navigation ou d'assurance. Dans la rue, les immenses Packard, les Studebaker croisent les pouces et les chaises à porteurs, car il y a des chaises à porteurs à Hong Kong, qui est aussi la ville des contrastes où deux civilisations se juxtaposent. À première vue, cette fièvre a quelque chose de salubre, d'excitant et de réconfortant. Et si je n'avais passé qu'un jour à Hong Kong, je vous dirais certainement aujourd'hui, cette ville est la plus prospère de tout l'Orient. Nulle part, on ne voit dans une seule journée entrer et sortir autant de navires dans le port. En un mois, l'aérodrome de Hai Tak, l'un des plus grands, mais aussi l'un des plus dangereux du monde, avait vu atterrir, quand j'y étais, 1344 avions transportant 21 000 passagers. Impossible de se loger dans les hôtels, la population est passée de 800 000 en 1939 à 1 800 000 en 1948. Toutes les races du globe s'y mêlent, chinois, hindous, indonésiens, malabars, persans, portugais et aussi, bien entendu, anglais, hollandais, américains, français, cela en minorité, au nombre de 200 environ. Voulez-vous quelques chiffres sur le commerce de Hong Kong, évalué en dollars de Hong Kong, qui vaut environ 60 de nos francs? Les importations sont passées de 113 millions en décembre 46 à 177 millions en décembre 47 à 189 millions en avril 48. De 933 millions pour toute l'année 46 à 1 milliard 550 millions pour l'année 47 et rien que pour le premier trimestre 48 à 630 millions, soit 40% d'augmentation sur la même période en 1947. Pourquoi cette extraordinaire prospérité apparente? Eh bien, tout simplement parce qu'Hong Kong est actuellement le seul port en Asie où existe encore un trafic international et qui recueille tout ce que Shanghai recevait avant la guerre, Shanghai devenu aujourd'hui un port fantôme. Autre raison, conséquence de la première, c'est que tous les capitaux y affluent de Chine ou d'Indochine et que les industries entières s'y transportent en provenance surtout de Shanghai et de Canton, en particulier des filatures. Et pourtant, il y a le revers de la médaille. Et le revers de la médaille, c'est que cette prospérité, au fond, n'est que factice, artificielle, précaire, et que dans cette ville surpeuplée, hyper tendue, le pouls bat trop vite, la fièvre monte, une fièvre malsaine. Et si l'or s'accumule dans les caves, si les spéculateurs s'en donnent à cœur joie, si la contrebande s'y fait à une échelle colossale, le commerçant à Hong Kong, le vrai, celui qui a ses lettres de patente, celui-là périclite et les faillites ne se comptent plus. Car les marchandises s'accumulent, mais le pouvoir d'achat diminue et l'exportation aussi. Et Hong Kong, moderne Babel, du haut de son rocher, a beau dominer encore l'assaut des vagues qui l'assiègent de toutes parts, de cette marée de misère qui déferle sur l'Asie, elle a beau être comme un gigantesque Monte Carlo, elle commence à ne plus respirer très à l'aise dans sa cage dorée, et elle nous prouve, par l'absurde, que l'on peut bien risquer de devenir pauvre à force de richesse. Si Hong Kong, c'est le miracle de l'ordre britannique conjugué avec la confusion chinoise, Shanghai, c'est la confusion chinoise à l'état pur, si je puis dire, et qui s'en donne à cœur joie. 6 millions d'habitants, deux fois la superficie de Paris, et autrefois poumon de la Chine, énorme pompe aspirante qui distribuait vers l'intérieur les flots de produits du monde et vers le monde ce que la Chine produisait pour lui. Aujourd'hui, grand port déchu qui n'est plus qu'une immense ventouse accrochée au delta et où l'air vicié chargé de tous les miasmes de la fermentation et ne se renouvelle plus. La ville conserve sa façade imposante sur le fleuve, gratte-ciel, vastes immeubles, circulation intense, mais ce n'est plus qu'une façade. Et derrière s'étend l'immense Capharnaüm, le dédale infini de ses ruelles sordides, où la misère s'étend comme une lèpre, où croupissent des millions d'ouvriers, d'artisans, de petits commerçants incapables de lutter contre la terrible vague d'inflation qui diminue chaque jour leur maigre puissance d'achat. Pour vous donner une idée de cette invraisemblable liquéfaction de la monnaie, je vous dirai par exemple qu'à mon arrivée, le dollar américain valait 1 million de dollars chinois, ce qu'on appelle le CNC. 15 jours plus tard, il en valait 8 dans l'espace d'une journée, et il n'était pas rare de voir des écarts de 500 000 ou même d'un million de points. Le plus curieux d'ailleurs, c'est qu'une telle situation, qui amènerait en Europe des complications et des troubles sans nombre, paraissait acceptée sans trop d'humeur par la population, qui s'y adapte avec une étonnante facilité. Le pouce qui me conduisait dans les rues de Shanghai adoptait son tarif aux fluctuations du change. J'en étais quitte pour payer la même course, le double, le triple, à quelques heures ou à quelques jours d'intervalle. Il m'est même arrivé, je dois dire, de la payer moins cher un jour que la veille, parce qu'entre-temps, le CNC avait remonté. Dans leur genre, les coulis, vous le voyez, sont honnêtes. Il est vrai que ces jours-là, j'ai constaté la disparition de mon portefeuille. Les causes de cette inflation, eh bien, évidemment, et en premier lieu, c'est la guerre actuelle, la guerre civile, qui dure depuis des années et qui absorbe 80 à 90% du budget de l'État et la presque totalité de la production. L'absence presque totale des exportations et par conséquent le manque de devises, et la Chine, d'autre part, ne peut lever d'impôts que dans une très faible partie du territoire, elle n'a pas d'état civil régulier, son cadastre n'est pas généralisé et une immense partie de sa population est illettrée. Autant de faits qui empêchent son gouvernement de donner dans quelque direction que ce soit une impulsion vigoureuse. Ajoutez-y des dépenses somptuaires et tout à fait hors de saison. Par exemple, lorsque j'étais à Nankin, on recevait pendant des semaines les délégués de l'Assemblée nationale au cours de somptueux banquets de plus de 1000 couverts, tandis que d'innombrables délégués couraient le monde aux frais de la princesse chinoise bien entendu. Le gouvernement est pratiquement sans pouvoir sur les fortunes acquises. Il a bien en principe établi un impôt sur le capital, mais un exemple suffira à vous montrer son efficacité. Quand j'étais à Pékin, 142 gros commerçants de Pékin, qui étaient connus pour leurs immenses ressources, avaient été taxés d'office à des sommes qui variaient de 1 à 2 milliards. Rassurez-vous, ça n'est pas énorme au cours de la monnaie actuelle. Mais comme la politesse est la première des qualités et des vertus en Chine, comme vous savez, les services de la trésorerie avaient adressé des lettres individuelles à chacun d'eux, leur demandant bien gentiment de passer à la caisse. Eh bien, sur 142, 129 ont refusé de verser un liard. Que croyez-vous qu'on ait fait ? On ne leur a pas du tout envoyé les gendarmes, mais une armée de mendiants qui sont allés pendant plusieurs jours devant leur porte chanter une vieille chanson très populaire en Chine qu'on appelle « Tu es un vieil avare ». Et je dois dire, sans aucun succès. Et voilà pourquoi la monnaie fond littéralement un peu plus chaque jour. Pourquoi les enfants jouent dans leur ruisseau avec des liasses de billets de 1000 ou 10 000 dollars qui ne valent même plus le prix du papier sur lesquels on les imprime. Car pour l'immense majorité de la population, le grand, l'unique problème, évidemment, c'est vivre. Et vivre au sens le plus tristement matériel du mot, c'est-à-dire manger, ne pas mourir de faim. La hausse vertigineuse des prix en juin dernier était par rapport au mois précédent de 40% pour l'alimentation. Et par rapport à 1936, le coût de la vie à Shanghai, ce même mois, était, tenez-vous bien, à l'indice 586 000. Vous voyez que nous sommes encore loin de compte en France. Je dois dire d'ailleurs que le Chinois, qui est l'homme le plus patient et le plus gai du monde, n'en paraît pas autrement affecté. Il semble avoir pris son parti de cette situation apparemment sans issue et accepté comme une fatalité le caprice de sa monnaie fantôme. Et Shanghai n'est triste qu'aux yeux des Blancs, ces Blancs qui ont cessé d'y régner de la façon la plus visible, surtout depuis la fin du régime des concessions. Et malgré les marchandises américaines en provenance surtout des surplus, malgré ces somptueuses voitures qui sillonnent le Bund, la grande artère qui sur des kilomètres longe le fleuve, le Huangpo, malgré aussi les cigarettes que vous tend le petit gamin en loc, son panier d'osier sur le ventre, souvent contrefaite d'ailleurs, car on imite tout à Shanghai, et même jusqu'au parker 51. Mais à moins d'être aveugle, on ne peut pas s'apercevoir de cette évidence. L'Asie retourne à l'Asie, et d'une poussée lente mais continue, nous rejette vers l'Occident. Et dans cette éviction discrète, patiente, mais implacable, le businessman de Nanking Road rejoint le missionnaire de Tianjin ou de Mukden. Et il sent que peu à peu, cet univers lui échappe. Et les mains vides, l'œil éteint, en proie à la mélancolie des amants délaissés ou des rois en exil, il promène aujourd'hui sa nostalgie désabusée le long du fleuve, où les sirènes des grands paquebots se sont tues devant l'assaut des sampans et des jonques, et par habitude, sur le coup de midi, il s'en va boire un stout au Shanghai Club, dans ce qui fut du temps de Paul Morand et de Malraux, le bar le plus peuplé et le plus grand du monde, le Shanghai Club qui ressemble aujourd'hui à son fantôme. Sic transit, gloria mundi. Thank you.